Chapitre 11e. Nous avons laissé derrière nous les balcons de Marienlist, les tours de Kronborg, les clochers, les girouettes, l'hôtel de ville, l'église, les toits rouges et verts d'Elsenor. Nous avons atteint le village, les décombres et le lac de Gœur. Ce lac est circulaire et environné de bois magnifiques. C'était ici la résidence de l'un des plus grands rois du Danemark. Avant d'aborder son histoire, écoutons d'abord la légende des moines, ses ennemis. Dans cette terre de poésie et de réalité, la légende et l'histoire s'entrecroisent sans cesse. Il faut les connaître toutes deux et les éclairer l'une par l'autre s'il est possible. Le château, le lac et la forêt de Gœur appartenaient à Baldemar Atterdag. Le bon roi menait joyeuse vie dans cette demeure de sa prédilection. Les plus grandes dames du Danemark ornaient sa cour, les plus braves guerriers étaient à ses côtés, au moindre signe. Il était entouré de belles et de héros. Des pages tout habillés de velours portaient ses messages. Ses vins étaient excellents, ses festins somptueux. Il donnait toutes ses nuits au bal, au jeu et à l'amour. Ses journées, il les réservait à la chasse. La chasse était sa passion. Si bien que dans son impatience de courir le daim et le sanglier, un abbé ou un moine l'arrêtait-il un instant, afin de blâmer le mauvais exemple, Baldemar Atterdag le congédiait à coups de fouet pour se dispenser du sermon. Un matin qu'ils étaient passés cette fantaisie féodale et que le cor sonnait, il regarda avec complaisance les tours de son château, puis ses gentilshommes, ses maîtresses, ses piqueurs et ses meutes. « Que je suis heureux, » s'écria-t-il, « pourvu que Dieu me laisse ce château de Gœur, par saint Olaf, mes compagnons, il peut garder son paradis, j'y renonce volontiers. » Il dit cela à Baldemar Atterdag et l'oublia, tandis que l'ange de la justice enregistra ce blasphème. Le roi continua de vivre en fête. Mais comme il arrive à tous les hommes, fussent-ils princes, empereurs ou papes, il mourut. C'est alors qu'il souhaita le paradis, dont Saint-Pierre lui refusa les portes. L'ange terrible de la vengeance le relégua du ciel sur la terre. Et encore, s'il y pouvait dormir sous la dalle froide du sépulcre, mais non, un fouet invisible le réveille, et par la glace, par la pluie, par le brouillard, ce fouet dont il frappait les prêtres le frappe à son tour. Il galope d'un galop infernal, sans repos ni trêve, à la poursuite d'une proie impossible autour de son château en ruine, sur les rives du lac de Gœur et dans les bois de Gribe. Telle est la légende que les moines d'avant la Réforme cherchaient à accréditer. Celle qui accourt aujourd'hui, parmi les paysans, en diffère un peu. Maintes anciennes ballades, maintes chants modernes célèbrent les gestes du royal fantôme, resté populaire en dépit de tout. Et comment démentir les chanteurs quand ils affirment en témoin ? Il n'y en a pas un, de ceux du moins que nous avons interrogés, qui n'ait rencontré plusieurs fois l'ombre errante et haletante du pauvre Baldemar Atterdag, dont le supplice durera jusqu'au jugement dernier. C'est dans les nuits d'été, si transparentes, si admirablement belles dans les cieux du Nord, qu'on entend les meutes, les hennissements, les fanfares de la grande chasse du roi Volmer. König Volmersjagd. Cette chasse va souvent de Gœur jusqu'à Bordinborg, mais la tradition la plus répandue veut qu'elle sorte de Gœur, passe par le Dostrup-Hegn, le Brodeskov, pour se diriger vers l'Istrup, où se trouvent encore des vestiges d'un des châteaux de chasse du roi. Il y a encore de vieux paysans qui ne manquent pas, dans la nuit de la Saint-Jean, de laisser ouvertes leurs écuries et leurs hangars pour que le roi et sa suite puissent trouver un abri. À Borstingerod, village situé à mi-chemin entre Gœur et l'Istrup, le palefrenier de l'auberge, avant d'aller se coucher, dans cette même nuit de la Saint-Jean, n'oublie pas d'ouvrir à deux battants les portes de l'écurie et de bien remplir les mangeoires d'avoine et de foin. Le lendemain, tout a disparu, mais le bonheur est assuré à l'auberge et à son propriétaire tant qu'on ne cessera pas de témoigner par cette pieuse offrande intérêt et hommage au royal chasseur. Après la légende, interrogeons l'histoire. Baldemar III avait été surnommé Atterdag parce qu'il disait souvent ce mot qui signifie « il y a du temps pour tout ». C'était un beau mot de confiance dans la bouche d'un homme qui avait tant à faire. Baldemar, en effet, fut un roi plein d'œuvres. L'anarchie était partout lorsque le trône lui échut. Il y avait révolte sur révolte. Les seigneurs étaient en possession de la plupart des forteresses de la couronne. Les comtes de Holstein détenaient presque toute la Fionie. L'émeute organisée avait usurpé le pouvoir dans presque toutes les provinces du Danemark. Le roi Valdemar Atterdag se proposa un grand but, ce fut de rétablir l'unité du gouvernement dans cette sédition universelle, et l'ordre dans ce chaos. Il y parvint à la longue, tantôt par les armes, tantôt par les négociations. Sa tâche fut immense. Il était naturellement pieux, ce qui ne l'empêchait pas d'être indépendant d'esprit. Il alla en Terre Sainte, où il se fit recevoir chevalier du Temple. Il accomplit le voyage d'Avignon en 1354 et il accepta du pape Innocent VI la Rose d'Or. Malgré ses pèlerinages, Valdemar ne défendait pas son autorité moins énergiquement contre les moines que contre les seigneurs. Cette conduite ferme indisposa Grégoire XI, qui prit parti pour la noblesse du Jutland et qui exhorta Valdemar à céder sous la menace de l'excommunication. Le roi indigné répondit au pape « Valdemarus rex romano pontifici salutem, vitam habemus adeo, regnum ab incolis, divitias apparentibus, fidem vero a tuis predecessoribus, quam sinobis non faves, remitinus per presentes, vale. » Valdemar, roi au pontife romain, salue. « Je tiens la vie de Dieu, le sceptre de mes sujets, les richesses de mes ancêtres. Je ne tiens de vos prédécesseurs que le culte. Si vous persistez à vous en prévaloir contre moi, je vous le rends par les présentes. Adieu. » Cette lettre, textuelle ou non, explique assez les colères ecclésiastiques et cette sorte de réprobation qui pèse encore, par la légende, sur Valdemar à Tordag. Ce que les abbés des couvents du Zeeland lui reprochèrent amèrement, ce ne fut pas son amour pour l'abbé Altoville de Rügen, ce fut sa désobéissance au pape et aux évêques. Il était un libre penseur à sa manière, l'habile et persévérant Valdemar. Quoi qu'il en soit, il mourut en paix dans sa retraite de Göre. Sa vie avait été hardie, patiente, généreuse et glorieuse. C'est une bonne fortune pour moi de relever, au nom de la justice, ce prince méconnu, et de restituer à sa mémoire un imbe de lumière dans les lieux mêmes de la légende calomniatrice, sur les débris du château, à la lisière de la forêt et au bord du lac de Göre. Nous avons continué par de grands bois qui durent pendant 12 lieues jusqu'à Copenhague. Ils sont interrompus de temps en temps par des champs qui ne sont que des clairières. Nous sommes arrivés ainsi à Fredensborg. Nous avons descendu en longeant les jardins jusqu'au lac d'Esrom. Ce lac a 5 lieues de tour. Il s'étend et se découpe dans la magnificence de ses flots d'azur entre la forêt de Grib et les arbres du parc de Fredensborg dont les perspectives le découvrent et le rejoignent à chaque instant. C'est par ces perspectives, sous l'ombre des hêtres, des bouleaux, des chênes, des sapins, des châtaigniers, à travers des percées ménagées çà et là sur le lac, que nous gravissons d'allée en allée, de carrefour en carrefour verdoyant jusqu'au château. La vallée des sculptures a l'originalité de l'imprévu. Elle est remarquable par des statues de pierre qui représentent les paysans norvégiens sous leurs différents costumes. Le château de Fredensborg fut bâti par Frédéric IV. Il a 2 ailes et un corps de logis surmonté d'une coupole flanquée de 4 tourelles. Il est tout entier construit en briques blanches. Du grand salon, à petites vitres comme le château, le lac d'Esrom apparaît. Si la première façade sur la ville est jolie, la seconde façade sur les jardins est belle, surtout à cause de l'horizon du lac. Cet horizon magique nous a si bien attirés que nous avons redescendu le parc et que peu à peu nous nous sommes trouvés au bord des eaux. Ce lac d'Esrom est un pan du ciel tombé là entre des joncs mouvants et des nénuphars en fleurs. Il est, avec ses bagues de saphir et sa ceinture de forêt, le plus enchanté de tous les lacs du Danemark.